يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله الذي وفقنا ويسر لنا مثل هذه المجالس، نتذكر آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة عظيمة لأنها طريق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي nous remercions Allah عز وجل de nous avoir facilité ces assises pour nous rappeler et pour que ce soit un rappel autour de versets من كتاب الله وautour de أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce grand bienfait est un grand bienfait d'Allah عز وجل, car il mène au Jannah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré que celui qui prend une route avec science, Allah azza wa jal lui facilite celle-ci, et avec cette route, le Jannah, lui facilite la route au Jannah. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam كذلك بين لنا في هذا الحديث ما هو هذا العلم الذي به نسلك طريقنا إلى الجنة. هو علم كتاب علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، حيث فصل بعد هذا الإجمال. أي quelle est cette science qui nous permettra, si on l'apprend, d'arriver au Jannah, et si on l'apprend cette science et on la met en application. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أي cette science, c'est la science basée sur le kitab et la sunna, avec la compréhension des salaf al-umma. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré lorsqu'il dit: il n'y a aucun groupe de personnes qui se réunit dans un bayt min buyutillah, qui lisent le Coran entre eux et l'étudient entre eux sans que la tranquillité ne descende sur eux. Et ils sont apaisés. Et les entoure la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ay rahmatuhu, et sans qu'Allah Azza wa Jal ne les cite auprès de lui, ay fima dhakkarahum Allah fi man 'indah. Wa a'zamu ma natadhakkaru bihi fi mithl hadhihi al-majalis. Et la plus grande chose autour de laquelle se concentre notre rappel dans ces assises, c'est Kitabullah Azza wa Jal. Kitabullah Azza wa Jal, ayyuha al-ikhwa, la yuqra lil baraka ou lil ajri faqat. Ay, nous ne lisons pas le Coran seulement pour sa bénédiction et pour être récompensé, mais nous lisons le Coran pour une chose plus grande. Une chose plus grande que Allah Azza wa Jal nous a démontré fi kitabihi al-karim. Wa hadha al-amr qalla man yaqra'uhu li hadha al-ma'na. Ay, pas beaucoup de personnes ne lisent le Coran dans ce sens. Wa huwa an naqra al-Quran linahtadiya bihi. Ay, pour que ce Coran soit une guidée pour nous, une lumière qui nous ramène au Jannah. Et Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran que c'était une lumière. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Et Allah Azza wa Jalla a qualifié de lumière le Coran. Mais comment le Coran est une lumière? Ce n'est pas en le lisant seulement pour profiter de sa bénédiction, ou soit pour avoir des hasanats seulement. Je dis seulement car ceci fait partie des choses pour lesquelles on lit le Coran. Mais la plus grande chose pour laquelle nous lisons le Coran, c'est pour méditer ces ayats. C'est pour méditer ces ayats. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي الله عز وجل nous montre, أي dans le sens de cette ayah, ne médite-t-il pas donc sur le Coran, et s'il provenait d'un autre qu'Allah عز وجل, ils y trouveraient certes maintes contradictions. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول جل في علاه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أي الله عز وجل nous montre dans ce verset que le Coran a été descendu pour méditer sur ces ayats. Pour méditer sur ces ayats. قال الشيخ السعدي رحمه الله كتاب أنزلناه إليك مبارك قال فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات وكل حكم يحتاج إليه المكلفون وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب. قال ليدبر آياته هذه الحكمة من إنزاله أي القرآن ليتدبر الناس آياته فيستخرج علمها ويتأمل أسرارها وحكمها إلى أن قال وهذا يدل على الحث على التدبر القرآن وأنه من أفضل الأعمال. الشيخ السعدي رحمه الله nous montre dans le tafsir de cette ayah que le Coran a beaucoup de bienfaits et qu'il y contient beaucoup de science et qu'il s'y trouve la guidée à tout égarement. Et il nous montre aussi que la raison pour laquelle le Coran a été descendu, أي ليدبر آياته. Et c'est le but dans lequel le Coran a été révélé et descendu, afin que les gens méditent sur ces versets. Puis il dit et montre l'importance de méditer sur le Coran et que cela fait partie des meilleures œuvres. أي تدبر الآيات, et méditer sur le Coran, et وآيات القرآن fait partie des meilleures œuvres. Pourquoi? Car c'est un nour. أي القرآن نور, c'est une lumière. Donc celui qui médite sur le Coran, c'est une lumière qui le guide vers le Jannah. أيها الإخوة, بعد هذه المقدمة سنتدبر في بعض قصص أهل التوحيد في القرآن. الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أي nous allons méditer sur quelques récits des gens du Tawhid dans le Coran, car Allah عز وجل nous montre qu'il y a dans leur récit une leçon pour les gens doués d'intelligence. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي الله عز وجل nous donne des signes. Pourquoi nous donne-t-il ces signes? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي لأجلهم والانتفاعهم وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم. C'est-à-dire qu'il nous a donné des signes pour nous montrer, car elles sont des signes qui nous éclaircissent la route. وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَرَى أَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ فِي أَهْلِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَبَدَّلُ. Aïe, celui qui médite sur les versets du Coran voit que سُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ne change pas entre les gens de la vérité et les gens du faux. فَسُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُمْ مُبْتَلَوْنَ بأنواع من المحن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال استفهام إنكار ومعناه أن الله لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. أي ابن كثير nous montre dans le tafsir de ce verset que son sens est que Allah Azza wa Jal éprouve les croyants en fonction de leur iman, en fonction de leur foi. Comme cela est venu dans le hadith al-sahih an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, et que la personne est éprouvée en fonction de sa croyance et de sa religion, et de son degré de foi. Et c'est pour cela qu'il dit « وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَيَّ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي دَعْوَاهُمُ الْإِيمَانِ مِمَّنْ هُوَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ وَدَعْوَاهُ. C'est-à-dire, celui qui est véridique dans ce qu'il dit. Aïe, celui qui dit « Ana muslim, ana mu'min ». Allah Azza wa Jal l'éprouve pour montrer s'il est véridique ou s'il ment. « Qala muqatil, rahimahullah, fala ya'lamanna Allahu alladhi yaqul » Aïe, celui qui dit, par son dire. « Fala yuriyanna Allahu alladhina sadaqu fi imanihim min hadhi l'ummah » عند البلاء فيصبر لقضاء الله ولا يعلمن الذي يقول ولا يرين الكاذبين في إيمانهم فيشك عند البلاء. مقاتل fait partie des imams que l'imam Ibn Kathir cite parfois dans son tafsir. Il dit dans son tafsir, Allah nous montre à nous et aux gens ceux qui patientent dans l'épreuve sur ce que Allah Azza wa Jalla a décrété de cette Ummah, et ceux qui mentent et ne sont pas sincères dans leur foi et qui doutent dans l'épreuve. Et ça, c'est le tafsir de « فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ est le plus savant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Le but de cette épreuve, c'est de montrer aux gens qui est « Ahlil Haqq » min « Ahlil Batil » par ces épreuves sont des signes en vérité. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أو ذكر لورقة بن نوفل ما حصل له. أي la première fois que Jibril est venu avec la révélation vers le prophète صلى الله عليه وسلم. خديجة أو خديجة رضي الله عنها, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'emmena vers Waraqa ibn Nawfal, qui est le cousin de Khadija. Waraqa ibn Nawfal était une personne, radiallahu anhu, qui était rentrée dans le christianisme fil jahiliya. Lorsqu'il n'y avait pas encore l'islam, il est rentré dans le christianisme. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qui lui est arrivé, Waraqa ibn Nawfal a dit, يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أي ورقة informé le prophète صلى الله عليه وسلم qu'aucune personne ne vient avec ce qu'il est venu, et avec le haq et la vérité, sans qu'il ne se fasse détester et éprouver par أهل الباطل. إذن سنة الله عز وجل في أهل الحق أنهم ils sont éprouvés. ومن آيات الله وسننه في أهل الحق أنهم عند هذا البلاء, أي lorsqu'ils sont éprouvés, أنهم يثبتون عند الشدة والابتلاء ويصبرون عند الأذى بل يزداد إيمانهم ويزداد كذلك إيمانهم ويقينهم. قال الله تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci, ay, هؤلاء les disciples, ay, الربيون, n'ont pas fléchi face à ce qu'ils ont vécu. Car ceux-ci étaient dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils ne faiblirent pas et ne cédèrent pas et Allah Azza wa Jal aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Et ils ont eu qu'une parole. Rabbana, ghafir lana dhunubana, et pardonne-nous nos péchés, ainsi que nos excès dans nos comportements. Affermis nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Nastafid kadhalik min hadhihi al-aya. Et qu'est-ce qu'on comprend dans cette ayah? C'est que, عند البلاء يتعلقون بالله عز وجل. Et ils reviennent à Allah عز وجل وحده. والله يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي lorsque les gens se regroupèrent contre vous, ou Allah عز وجل nous raconte que lorsque il a été dit aux sahaba que les gens se sont regroupés contre eux, les sahaba ازدادوا إيمانا ازدادوا إيمانا في هذه الشدة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et car ils ont vu ce qu'Allah Azza wa Jal leur a promis lorsque l'épreuve leur est venue. Lorsque l'épreuve leur est venue, leur iman a augmenté, leur certitude a augmenté. Ils se sont rapprochés plus d'Allah Azza wa Jal fi shidda. Ceci nous montre le mawqif de Ahl al-Haq عند البلاء. Amma Ahl al-Dabdaba wal-Inhiraf fa'inda al-Balاء yazdaduna khawfan. Yazdaduna khawfan. Et les gens, les égarés, lorsque une épreuve leur vient, ils ont plus peur que ce qu'ils avaient peur avant. لِوَلِذَلِكَ مَا ثَبَّتَهُمْ فِي هَذِي الشَّدَائِدِ إِلَّا الْعَقِيدَةِ. Et c'est seule la aqidah qui fait que le mu'min, عند الشدة يثبت. Il reste ferme. Il reste ferme. C'est la aqidah, وَتَعْلِيمَ الْعَقِيدَةِ وَالْإِيمَانُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ qui fait que le mu'min, يثبت عند الشدة. فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس هذه العقيدة وهو ولد. C'est pour ceci que النبي صلى الله عليه وسلم a appris ابن عباس العقيدة alors que c'était un enfant, alors que c'était un enfant. حتى لا يتزعزع وحتى يطمئن. Et pour qu'il ait une bonne pensée d'Allah Azza wa Jal quand il a des épreuves. Et pour que la yatazazaa, et il ne change pas, et pour qu'il reste ferme à la dinillahi Azza wa Jal. Qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, Ya ghulam, inni muallimuka kalimat. Ihfadillahi yahfadka. Ihfadillahi tajidhu tuja'aka. Ida sa'alta, fas'alillah. Et si tu dois demander, demande Allah Azza wa Jal. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ si tu demandes de l'aide, فَاسْتَعَنْ بِاللَّهِ et demande de l'aide à Allah Azza wa Jal. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et si toute la communauté se regroupe contre toi, il ne t'arrivera aucun mal que si Allah Azza wa Jal l'a décrit. Que si Allah Azza wa Jal l'a décrit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Ibn Abbas هذه العقيدة العظيمة وهو ولد صغير. قال وكذلك ومن سنن الله في أهل الحق أن أهل الباطل يسكتون عنهم عند شدة. أي lorsque l'épreuve arrive, les égarés se taisent sur أهل الحق. Ils disent plus rien. ويتكلمون فيهم عند الرخاء. أي lorsqu'il n'y a pas d'épreuve, ils parlent sur eux, ils mettent en garde sur eux. Ils les décrivent comme les pires gens. Mais lorsque l'épreuve descend, ils se taisent. Et ceci, ya ibadallah, min sifat al-munafiqin. Qala subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ja'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka tadur a'yunuhum. Ay al-munafiqun. fi ghazwat al-ahzab, la ghazwa des coalisés. Lorsque la peur est venue, ils regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam apeuré, comme s'ils allaient mourir sur le moment même. كَالَّذِي يُرْجَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Et lorsque la peur part, ils parlent et mettent en garde dans ce sens-là. وَمِنْ سُنَنِ اللَّهِ فِي أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا قِلَّةً وَأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ هُمْ مَهْزُومُونَ وَلَوْ كَانُوا كَثْرَةً. Et parmi la sunnatu Allahi azza wa jal fi ahli al-haq, annahum, ils sortent toujours vainqueurs sur celui qui yu'adihim, sur celui qui leur fait du mal. Même si Ahlul Haq sont peu et les gens de l'égarement sont beaucoup. قال تعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Et combien de fois une troupe peu nombreuse par la grâce d'Allah Azza wa Jal vaincu une troupe très nombreuse et Allah est avec les endurants. والله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et ils rusent et Allah Azza wa Jal est ruse et Allah Azza wa Jal est le meilleur des ruseurs. والله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل fait vaincre ses rusuls ainsi que ceux qu'ils ont cru في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي في الدنيا وفي الآخرة. ومن سنن الله في أهل الحق أن الله يمكن لهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أي الله عز وجل accorde la suprématie à Ahl al-Haq. فهذه يا إخواني في الله بعض العبار الظاهرة في القرآن. Et ceci sont parmi des choses qui sont très claires في القرآن. أن أهل الحق لم يضيعهم الله عز وجل. الله عز وجل ne délaisse pas أهل الحق. Tout ça pourquoi? Pour que, comme on dit en français, on se remonte le moral par rapport à ce qui se passe, par rapport à nos frères fi Dammaj, que Allah Azza wa Jal ne les délaissera pas. Et que ce que vivent nos frères à Dammaj, c'est Ayn ma aashahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal anbiya wa ahlul haq. Et c'est exactement ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de la vérité après le prophète et les sahaba. Ceci nous montre que le haq est ma'a دماج والإخوة في الدماج وعلى رأسهم الشيخ يحيى حفظه الله. Elle nous montre aussi que c'est qui les égarés et c'est qui est avec la vérité. Tout ça, Allah Azza wa Jal, il a يوم القيامة. C'est une histoire qui se répète. Elle se répétait à l'époque des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et elle s'est répétée avec les savants de notre communauté. عليهم رحمة الله وحفظ من كان حيا. فإذا ما الموقف لنا أو ما موقفنا في مثل هذه الشدائد؟ أننا نصبر ونطمئن أن الله عز وجل سينصر لهم. أي qu'on ait avec certitude une bonne pensée envers Allah عز وجل, que Allah عز وجل ne va pas les délaisser et que Allah عز وجل va les faire vaincre et que Allah Azza wa Jal va secourir sa religion, وكذلك, il faut de la patience. Il faut de la patience, car la victoire ne vient pas comme ça. La victoire vient après shidda, comme on vient de le voir, après shidda. وكذلك, le muslim face à ses épreuves, il fait beaucoup de dua, et il revient beaucoup envers Allah Azza wa Jal. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في الدماج وأن يفرج عنهم وأن يقتل هذه الشرذمة الخبيثة الروافد الحوثيين الكفر الزنادقة الظالمين المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يقسم ظهورهم. وفي الختام بمناسبة Et j'ai une remarque à faire par rapport à ce qui va se dérouler chez beaucoup de musulmans d'ici 3 ou 4 jours. Ce qui s'appelle le Mawlid al-Nabawi. La célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa adhkur lakum qissa fi zaman al-imam Ahmed fi fitnati khalq al-Qur'an. Fiha raddun sahlun ala man qala bil Mawlid. Hey, je vais vous ramener une qissa qui nous montre une réplique simple basée sur le kitab ou la sunna que toute personne peut avoir face à ce genre de célébration qui n'existe pas dans notre religion. Qala Abu Bakr al-Ajurri, ay al-Imam al-Ajurri, sahib kitab al-Sharia. Qala rahimahullah, wa balagani an al-Muhtadi annahu qala. Al-Muhtadi, c'est le fils de Al-Amir et du gouverneur qui était en place à l'époque de l'imam Ahmed. Ma qata'a abi illa shaykhun di abihi min al-Misisa. Famakatha fi sijn. Et ce shaykh a passé un grand temps en prison. Muddatan thumma inna abi dhakarahu yawman faqala alayya bi shaykh. Et son père, qui était le gouverneur à l'époque, a dit ramenez-moi ce shaykh. فأتي به مقيدا أي لتي ليغوتي فلما أوقف بين يديه قال لابن أبي دؤاد سله أي ابن أبي دؤاد celui qui voulait faire ou voulait obliger les savants de l'époque de l'imam Ahmed à dire بخلق القرآن ثم قال الأمير يا ابن أبي دؤاد سله أي il a demandé à ابن أبي دؤاد de demander à ce cheikh, de lui poser des questions à ce cheikh. فَقَالَ الشَّيْخِ الْمَسْأَلَ لِي فَمُرْهُ أَنْ يُدِيبَنِي. Et le cheikh a demandé que c'est lui qui pose les questions et que c'est Ibn Abi Du'ad qui répond. فَقَالَ سَلْ. Et le gouverneur lui a demandé, et il lui a donné la permission de demander. فَأَقْبَلَ الشَّيْخَ عَلَى Ibn Abi Du'ad. فَقَالَ أَخْبِرْنِي عن هذا الذي تدعو الناس إليه. أي donne-moi une information sur ce que tu appelles les gens. أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم a appelé? قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده. أي c'est quelque chose envers laquelle أبو بكر الصديق a appelé après le prophète صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما. قال لا. Et à chaque fois il dit non. Il lui a demandé est-ce que c'est Omar qui a appelé à cette chose après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. قال لا. Il a dit non. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم. قال لا. أي عثمان بن عفان lui a appelé à cette chose. Il a dit non. فقال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم. قال لا. قال الشيخ. Et le cheikh a répondu après tout ça, après toutes ces questions. فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي تدعو الناس إليه الآن. أي cette chose que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas appelé, à laquelle il n'a pas appelé ni lui, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, toi tu appelles à cette chose aujourd'hui? قال ليس يخلو أن تقول علموه أو جاهلوه. أي tu peux ne répondre à cette chose qu'en disant il le savait ou soit il ne le savait pas. فإن قلت علموه. أي si tu dis que il savait cette chose وسكت عنه. Et ils se sont tus sur cette chose. وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. Si cette chose ils se sont tus sur celle-là et eux ils la savaient, et nous, on fait comme eux. Et nous, on fait comme eux. وَإِنْ قُلْتَ جَهِلُهُ أي si tu dis qu'il l'ignorait, وَعَلِمْتَهُ أَنْتَ et toi tu le savais, فَيَا لُكَعْ بْنُ لُكَعْ يَجْهَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْخُلَفَى الرَّاشِدُونَ شَيْئًا وَتَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكْ أي le sheikh lui a répondu, يَا لُكَعْ بْنُ لُكَعْ أي يَمْسْكِينَ quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas, ni Abu Bakr, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, et toi tu le connais. Donc, on stafid, on profite de cette histoire qui s'est passée à l'époque de l'imam Ahmed, que on peut avoir une réplique face à ces gens-là, toute simple, comme le cheikh lui a répondu, comme le cheikh a répondu à Ibn Abi Du'ad, bien entendu, avec du rifq, avec de la sagesse, avec un bon comportement. Car le cheikh ici parlait avec une des têtes de Ahl al-Bida' à son époque. C'est pour ça qu'il lui a dit « Ya Luka' ibn Luka' »« Amma ghalib al-nas alladina ibtuliya bihadihi ou bihadihi al-munasabah awam » Et la plupart des gens qui sont éprouvés par cette célébration sont des awam. « Idhan yanbari lana » On doit être sage envers ces gens et avoir un bon comportement lorsque on leur réplique avec des réponses comme celle-ci. Nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yufarriji 'an ikhwanina wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.